Deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire, titré « Quand le public s'empare de l'histoire ». Toutes ces semaines, nous vous parlons en effet des usages de l'histoire par le grand public et de ce qu'on appelle « public history » ou « histoire publique ». Hier, Hervé Dumont nous a raconté comment il avait construit son gros livre « Napoléon, l'épopée en 1000 films » et nous vous reparlerons de Napoléon demain avec le documentaire de Séverine Cassard et Victor Massé de l'Épinay autour de la reconstitution de la bataille de Waterloo. Mais aujourd'hui, le documentaire de ce matin est consacré à une autre reconstitution et même une reconstitution au carré puisqu'il s'agit de la reconstitution de la reconstitution à Amboise par les soins de Léonard de Vinci de la bataille de Marignan. C'était en juillet dernier. Olivier Chaumel et Anne Fleury se trouvaient sur place. Elles ont enregistré les historiens et les participants de cette reconstitution de reconstitution. Un documentaire jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire avec les historiens Nicolas Baptiste, Pascal Briouat, Fanny Kiffer, Daniel Jacquet et Isabelle Parécis, avec également Pierre Iselin, Jean Louchet, François Saint-Brice, Berne Seiderer et Patrice Zonta. Cette fête, François et Leonardo l'ont longuement imaginée et longtemps réfléchi et longtemps imaginée aussi. Et c'est parfait, mes amis. C'est très bien pour la musique et la choréo, le timing et la sortie. Bon, vous la reverrez à part, mais l'idée est très bonne. Et moi, si je fais ça, ça va? On passe à la scaramella, Pierre. Et on vous voit heureux d'être enfin à l'ombre. La scaramella. S'il vous plaît, on doit y aller, sinon on n'a pas le temps, hein. On ne termine pas. Les chevaux et les Suisses sont arrivés, Pascal Briouat? Les chevaux vont arriver incessamment, mais les Suisses sont là. Les Suisses en armure. Alors il y a les écuyers de l'histoire qui arrivent, donc ce sont ceux qui vont pratiquer le tournoi sur le site. Et la générale, c'est quand? Il n'y aura pas de générale parce qu'il y a eu beaucoup de complications avec les batailles cet après-midi. Les reconstitueurs sont un peu épuisés, là. Ouais. Donc on fera une générale demain à 10h, je crois. Et le lion mécanique? Le lion mécanique arrive à 9h20, c'est-à-dire dans quelques minutes. Et voilà, il sera très vite sur le champ de bataille avec les autres, prêt à être admiré par François Ier et Léonard de Vinci. Quand on est à l'université ou quand on est chercheur, on parle trop de choses qu'on n'a jamais vraiment expérimentées sur le terrain. Et donc je crois que pour nous, c'est une excellente occasion de tester la puissance de l'instrument, sa fiabilité mécanique, le choix du répertoire qui convient à une marche ou à une danse, etc. Et d'autre part, de voir aussi la résistance physique dans ces situations où on joue debout, on joue en déambulant, où on est obligé de tenir compte de la météo. Là, tout à l'heure, je viens d'une réunion du staff où il était question de qu'est-ce qu'on fait s'il pleut. Ben, qu'est-ce qu'on fait s'il pleut? Ben, la peau se détend. La peau d'un tambour se détend. Ça nous met en confrontation à des problèmes bien réels et que manifestement, nos ancêtres musiciens devaient connaître eux aussi. Marignan 1515-2015, célébration de la reconstitution. On ne peut pas célébrer Marignan, c'est une horreur Marignan, c'est une boucherie totale. C'est pour ça qu'on a souhaité, plutôt que de célébrer la victoire, qui est une victoire toute relative, parler d'une fête de cour qui a transformé cette bataille en un élément de propagande clé pour tout le règne de François Ier. Comme vous voulez. Ainsi, toute la durée des fêtes. Attendez la musique, attendez la musique. Attendez la musique. Stop. Là, je te parle dans le 1. À la boxe, il y a un arbitre. À la guerre, il n'y en a pas. Le 14 septembre 1515, quand la bataille de Marignan s'achève, personne ne compte les points. Cependant, l'histoire dit que c'est la France qui a gagné à Marignan. Aujourd'hui, Melegnano, à deux pas de ce qui est devenu l'aéroport sud de Milan. Léonard de Vinci entre au service de François Ier en 1516 comme premier peintre, ingénieur et architecte du roi. Cet homme sait tout faire et on lui verse des appointements princiers. Parmi ses multiples marottes et savoir-faire, Léonard excelle à restituer les épisodes guerriers qui ont couvert de gloire ses nobles employeurs. Quoi de plus doux pour un chef militaire, fût-il le roi de France, que de revivre au théâtre les heures terribles et victorieuses qui ont fait son pouvoir. En 1518, 2 ans et demi après la bataille, Léonard de Vinci orchestre à Amboise l'une des plus fastueuses fêtes qu'on puisse imaginer à la cour d'un monarque triomphant. 497 ans plus tard, nous voici à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher, puis à Amboise en Indre-et-Loire. Plusieurs centaines de reconstituteurs, des comédiens, des musiciens, des danseurs, des techniciens, des bénévoles en grand nombre, s'emploient à revivre les événements d'il y a 5 siècles, avec une belle bravoure et un formidable souci du plus menu détail. Parmi cette foule en costume ou en armure, on croise de brillants universitaires, historiens de nombreuses spécialités, qui se sont extraits de leurs bureaux et théories pour aller physiquement au contact de leurs sujets. François Saint-Brice, directeur du Clos Lucé à Amboise. Dans cette année, François Ier, nous commémorons cette victoire avec donc des parties prenantes. François Ier reprend le rêve italien de ses prédécesseurs et va reconquérir le Milanais que Louis XII, roi de France, avait conquis mais perdu 3 ans plus tôt. Et il va franchir les Alpes avec toute son armée, c'est-à-dire plus de 35 000 fantassins, 2500 lances, 2500 cavaliers et toutes ces pièces d'artillerie. L'artillerie la plus puissante d'Europe à l'époque. Et la bataille de Marignan va se passer dans ce petit village au sud-est de Milan. Et c'est ce qu'on appelle la bataille des géants. C'est une bataille qui va durer 16 heures, qui va laisser 16 000 morts. Donc c'est une bataille sanglante, acharnée. La victoire de François Ier est essentiellement due à son artillerie et, il faut le dire, au recours de la cavalerie vénitienne qui, dans la matinée, vont se porter au secours des troupes françaises. La bataille oppose d'un côté les Suisses qui soutiennent la dynastie des Sforza à Milan et de l'autre côté les troupes de François Ier. Mais les troupes de François Ier sont très composites. C'est-à-dire qu'on a là à la fois des lansquenets allemands, bon, la noblesse française bien entendu, des piquiers picards, des arbalétriers gascons, et puis un groupe dit de vénitiens, mais ces vénitiens sont certes vénitiens en partie, mais également albanais ou grecs. Donc c'est une bataille internationale. Et les combats s'engagent le 13 septembre 1515. Et le choc est d'une violence effroyable. Et ce qui fait que les troupes françaises ont tenu, c'est effectivement la défense des lansquenets allemands. Il fallut attendre que la nuit fût complète et que la lune eût complètement disparu aux environs de minuit pour que le dernier combattant remît l'épée au fourreau. Moi-même, j'avais reçu plusieurs coups d'épée et même un beau coup de lance qui avait proprement fendu mon armure. Et pourtant, je restais là, le cul sur la selle, la lance au poing, l'armée sur la tête, sans boire, sans manger, sans dormir. Il ne faisait aucun doute que les combats reprendraient au point du jour et que tout se jouerait à ce moment. Assieds-toi, c'était un peu grand pour moi. Voilà. Daniel Jacquet enfile son armure. C'est bien d'être entraîné, je suppose. On avait fait une fois un concours avec des amis, avec 2 écuyers entraînés. Si on a mis l'habit en dessous, ça met 4 minutes 50 de mettre l'armure. Et je fais une comparaison avec un écuyer pas entraîné, ça met 45 minutes. On commence tout en bas par les solerets, et ensuite on monte de pièce en pièce. Est-ce qu'on lasse sur les épaules, ça s'appelle comment ? Une grande partie en fait, des pièces s'attache avec une forme de lacet, qu'on appelle aiguillette dans le jargon, qui s'attache sur le vêtement. Et le vêtement est aussi, voire même plus important que l'armure elle-même. Si le vêtement n'est pas bien ajusté, on ne peut pas bouger. et l'armure s'ajuste sur le vêtement. Les combats s'arrêtent avec la nuit, reprennent au petit jour. Et cette deuxième journée, elle se caractérise par l'arrivée des renforts vénitiens. Ce qui fait dire à certains que la victoire a été celle des Vénitiens plus que celle des Français. En réalité, c'est vraiment un travail combiné. Et les Vénitiens arrivent avec de la cavalerie légère, ce qu'on appelle des estradios. Et ils sont très très efficaces pour déstructurer l'armée suisse. Et la situation se retourne. Et là, la situation se retourne vers en fin de matinée. Les Suisses décident qu'ils ont perdu suffisamment d'hommes et décident de se retirer. Cela étant, ils n'ont pas perdu la bataille, ils se retirent en bon ordre. Et les Français comprennent que ce n'est que prudence que de les laisser se retirer sans les pourchasser. Mon écuyer ? Oui. Tu m'as mis ma spalière à l'envers. Ah. Voilà. On estime que c'est entre 12 000 et 17 000 morts qui sont morts en 16 heures. C'est-à-dire un niveau de violence colossal. Un niveau de violence qui est à peu près l'équivalent, mais à l'arme blanche et avec des boulets, du niveau de violence d'une offensive sur la Somme en 1916. Toute chose égale par ailleurs. Donc, revenant en France, François Ier va se servir de cette expédition militaire et la justifier par un simulacre qu'il va ordonner à Amboise en 1518, et il va prendre cette opportunité du mariage de Madeleine de la Tour d'Auvergne et de Laurent II de Médicis. Il va donc célébrer une fête qui va durer plusieurs jours, qu'il va commander à Léonard de Vinci, qui vit et réside au Clos Lucé d'Amboise depuis 1516, qui donc est le premier ingénieur, le premier architecte et le premier peintre du roi, mais aussi l'organisateur de fêtes. Et lorsqu'il travaillait pour le duc de Milan, il a réalisé une fête qui s'appelait la fête du paradis, où il a reconstitué la nuit dans la nuit, avec tous les étoiles de la cosmogonie. Et cette fête, d'ailleurs, il va le redonner au Clos Lucé en l'honneur du roi. Mais nous parlons donc de cette reconstitution, du simulacre de la bataille de Marignan. Donc il est mis à contribution. C'est un petit peu le Georges Lucas du Quattrocento, Léonard. Il est passé maître dans l'art des effets spéciaux. C'est un artificier et il va organiser donc avec Dominique de Cortone, le célèbre architecte de Chambord, le Bocador, donc les travaux pour réaliser un fortin reconstituant la bataille de Marignan. Il y aura près de 10 000 figurants, ce qui était quand même important. Le roi est mis en scène dans cette fête, puisqu'il parade donc à cheval avec sa lance et les seigneurs de la cour. Et donc c'est une fête mémorable. Vous avez le bruit, la fureur, les chevaux qui hennissent. C'est très réaliste. Vous êtes dans le combat. Et c'est à la fois une fête de cour, mais aussi un acte politique de propagande du pouvoir royal. Alors vive le roi. Donc il faut qu'on prenne nos gros machines. Sans musique d'abord. Alors ça c'est une pièce de Josquin des Prés. Ça s'intitule Vive le roi. C'est un motet. À l'origine c'est une pièce vocale, mais qu'on a instrumentée. Et vous voyez tout autour de nous une bibliothèque très spécialisée sur Léonard de Vinci, sur la guerre à la Renaissance. Pascal Briouat. En fait, deux tiers des codex de Léonard sont pleins de machines, de fortifications et d'éléments ayant trait à la guerre. Après avoir été un vrai ingénieur militaire sur le terrain, il a travaillé pendant 2 ans au service de César Borgia en tant qu'ingénieur en chef. C'est-à-dire que il était vraiment au combat pour les sièges, au combat pour les campagnes, pour faire traverser les fleuves aux troupes de César Borgia. Donc il n'est pas par hasard un dessinateur de machines de guerre. Il a un rapport un peu particulier à la guerre, hein, Léonard de Vinci, voilà. Parce qu'il est passionné par tout ce que son génie peut exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, il aime pas ça. Voilà, alors, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire que à la fois, il considère que la guerre est une, comme il dit, une pazzia bestialissima, une folie des plus bestiales, et en même temps, il est tout aussi fasciné par le côté performatif de la mécanique militaire. Ce qui fait qu'à la fin de sa vie, à partir des années 1510, on va dire, il est essentiellement dans la scénographie de fausses batailles. Et ça finit à Amboise, avec cette magnifique fête de 1518, où il dessine des costumes, mais il invente probablement tous les trucages d'un château qu'on attaque avec des canons qui envoient des faux boulets de canons remplis d'air, avec des toiles qui tombent, simulant la courtine du château qui s'écroule. Un simulacre bellique, comme dit l'ambassadeur de Mantoue qui assiste à ces choses-là. Silenzio in scena e dietro la scena, per favore. Silenzio dietro la scena. Patrice Zonta, vous êtes Léonard de Vinci. Je peux vous appeler Léonard ? Oui, là, il faut m'appeler Léonard. Sinon, je ne réponds plus. Ici, c'est une reconstitution d'une reconstitution. Oui, c'est ça. Et ça se fait avec des reconstituteurs. Exactement. Voilà. Je ne savais pas que ça existait. Ils sont exceptionnels parce que eux, ils endossent un rôle et ils le jouent toute la journée. Je les vois là au repas. Ils viennent avec leurs écuelles en bois. Ils refusent le truc en plastique. Ils viennent avec leurs écuelles en bois, leur peau en étain. Enfin, c'est complètement étonnant. Eux, ils jouent toute la journée. Ils ne s'arrêtent pas. Ils vivent dans des tentes comme on vivait à l'époque. Leur truc, c'est ça. Donc c'est étonnant parce qu'ils y vont. Hein, quand ils se battent, ils se battent. Hein. C'est une façon d'échapper au monde moderne, sans doute. Donc chacun a répété un peu dans son coin. Nous aussi. Enfin, nous, on a l'habitude de ce genre de choses, de se retrouver avec des gens avec qui on n'a pas répété. Il y a plein de moments où ça se fait. Mais là, c'est assez curieux quand même. C'est assez curieux. Et ce sont des gens qui ont l'habitude de se produire eux seuls. Donc ils ont du mal à imaginer que d'autres choses peuvent intervenir avant, après et pendant. Et puis ils jouent, hein, parce que cet après-midi, on a répété une scène là, avec un des comédiens de chez nous donc, qui joue un lansquenet avec eux. Et le lansquenet allemand qui était en face de lui, qui ne connaissait rien à la scène, quand ça a commencé à jouer, il s'est mis à jouer avec. Et on l'arrêtait plus. Le spectacle, il va durer une heure de plus. Il s'arrêtait plus, hein. Il continuait. En allemand, l'autre en français, ça marchait. Ils ont fait une très très belle improvisation, c'était magnifique. Sire ! Sire ! Le récit. Non, mais avant ce récit, montre-moi les entrailles de ce lion. Qui fit si forte impression sur les gens de ma cour. Il y aura 3 ans, à Bologne, c'est cela ? Entrée du lion. Le lion est en place. Ce ne sont donc que rouages et cordages ? Rien de magique dans ce lion ? Mais sire, la mécanique changera le monde. Je sais que demain, bien des batailles seront gagnées par des machines nouvelles. Léonard de Vinci a imaginé donc un lion mécanique, grandeur nature, qui était capable de se mouvoir par ses rouages, d'avancer vers le roi, d'ouvrir son poitrail et de lancer des fleurs de lys sur la foule. Et la force motrice de cet engin ? C'est un poids. En fait, ce lion est une horloge. Ainsi le récit est connu. Grazie Leonardo, grazie mille. Les troupes sont en place. La bataille peut commencer. Non pas la bataille de Marignan, mais celle d'Amboise, en apothéose du mariage de Madeleine. Le simulacre de bataille aurait pu tout aussi bien se dérouler à Romorantin, au cœur de la Sologne, où François rêvait de construire la plus magnifique des demeures. La fête est racontée par les ambassadeurs de Mantoue, de Venise, donc on a au jour le jour la description de chacun des éléments de la fête. Elle dure combien de temps ? Elle dure 15 jours. C'est-à-dire que, en fait, on a fêté 2 événements. D'une part, le baptême du dauphin de France, et d'autre part, le mariage de Madeleine de la Tour d'Auvergne et de Lorenzo di Medici, deuxième du nom. L'idée était de consolider les liens entre la France et la papauté, puisque les Médicis étaient, à ce moment-là, Léon X et pape, donc un Médicis. Le paradoxe, c'est que lors d'une fête qui va évoquer tout le monde, enfin, dans les mémoires de tous, il s'agit bien de Marignan. Si on loue la victoire du noble roi François, c'est Marignan, évidemment, dont il est question. Mais on ne le dit pas. Mais on ne le dit pas pour une raison simple, c'est que les Médicis étaient dans le mauvais camp à Marignan. Y compris, d'ailleurs, le marié qui commandait un escadron de cavalerie dans le camp des ennemis de la France. Alors, c'est un jeu de diplomatie assez subtil. Mais ça n'échappe à personne que ce qui est décrit, c'est à peu près la bataille de Marignan. Bien sûr que non. Mais il y a de quoi faire diversion. Par exemple, il n'y a jamais eu de château à Marignan. Mais quand François Ier fait tonner ses canons au-dessus de la fête, et il a amené là les plus grosses pièces d'artillerie de France, qui est déjà un coup, à 500 mètres de là, les vitraux des églises... éclate à cause du simple bruit de la détonation. Comme on sait que ce qui a permis la victoire de Marignan, c'est l'artillerie, ça n'échappe à personne que l'allusion est là. Et pour la fête, la cassette est ouverte. François Saint-Brice. Mais nous sommes dans une période de prospérité. La guerre de Cent Ans est terminée. Le royaume est beaucoup plus prospère que du temps de Charles VIII ou de Louis XII, malgré les dépenses militaires qui sont considérables. Louis XII a resserré les vis de la bourse du royaume en augmentant la taille. Les Français ont appris aussi de leur guerre d'Italie qu'il était important de ne pas compter uniquement sur leurs propres troupes qui étaient payées à l'année. Depuis Louis XI. Donc ils font maintenant appel à des mercenaires, par exemple les lansquenets allemands, qui sont les rivaux des Suisses, ou même avec les Suisses. Hein. Donc on discute aussi avec les Suisses. Ces fêtes coûtent très cher, mais ce sont des cérémonies de l'information. Il s'agit effectivement de faire savoir à tous les ambassadeurs d'Europe, hein, c'est très nettement le cas en 1518 à Amboise, que l'armée du roi de France est une armée surpuissante. Et en même temps, que la puissance du roi de France est aussi une puissance d'argent. Hein, et les costumes brodés de fil d'or ou d'argent de toute la cour sont là pour dire à quel point la France est tout à fait capable de tenir son rang en Italie. Mais même au-delà, puisque le projet de François Ier est de devenir empereur. Et on est dans un contexte où l'empereur Maximilien est très malade, et tout le monde sait qu'il va y avoir des élections. Et les grands électeurs d'Empire vont devoir choisir bientôt entre Henri VIII, François Ier et Charles de Habsbourg. Nous, on sait comment l'histoire finit. Mais en 1518, on ne sait pas encore. Et François Ier est un candidat tout à fait probable. En démontrant... Il est tout jeune. Il a 24 ans à ce moment-là. Mais il peut tout à fait, en démontrant sa puissance militaire, il envoie un signe très très fort du côté des États allemands, disant « Je suis capable de vous protéger contre les Turcs. Je suis un roi de guerre. » Donc c'est un élément très très fort de sa propagande. Voilà, puis là maintenant il faut mettre des œillets pour attacher le haut avec le bas. Hop. Donc ici vous êtes dans le vestiaire qui est partagé entre la cour et les musiciens, les costumes des serviteurs, servantes, les tabards des bénévoles qui vont gérer le flux des spectateurs. Des reconstituteurs de la cour et les bénévoles qui ont fabriqué tous ces costumes qui terminent encore des costumes. Isabelle Parosis. Donc le roi, j'ai décidé de l'habiller alors en robe, mais là je suis obligée d'interpréter tout en étant fidèle aux sources. Le roi portait des robes dans les années 1530 par exemple, ou je ne sais plus, les années 40, parce qu'on a que deux années de compte pour lui. Il achète... On porte dans les cérémonies, en tout cas, ses robes. Donc je la laisse ouverte pour qu'on voit son vêtement du dessous. Son pourpoint, son saillon, ses chausses. Et en tissu, pas toile d'or, toile d'argent, sinon on ruinerait tout le programme. Mais avec un tissu d'aujourd'hui synthétique, etc., qui va évoquer la toile d'or et toile d'argent pour briller au soleil. L'acteur va me maudire parce qu'il va avoir chaud. Mais il va briller au soleil. Et quand il est sur son cheval, je peux vous dire que c'est... Il faudrait qu'il vole, là, avec ce costume en or. Il faut montrer sa puissance et briller de mille feux, en mettre plein la vue, comme on est... plein les yeux. Justement, j'attends la cour parce que je veux voir la cour. Elle arrive quand, la cour? C'est quoi l'arme que vous avez là, Daniel Jacquet? Une épée longue. Vous êtes le docteur Jacquet? Oui. Vous n'êtes pas seulement un reconstituteur amateur, vous êtes un chercheur universitaire de l'université de Genève. C'est juste. Racontez-moi comment tout cela est venu dans votre parcours. Quand j'étais petit, je voulais être chevalier. Et mon chemin m'a conduit vers des études d'histoire pour donner vie à cette passion. Et vous auriez tout à fait pu vous contenter des sources écrites, iconographiques, et vous êtes passé à un contact beaucoup plus matériel avec les choses de l'histoire. Peu de gens le font, même, vous devez avoir conscience de ça. Oui, je suis peut-être un cas particulier. Je crois effectivement quand je mets l'armure, en tout cas je ne sais pas si je comprends mieux l'histoire avec un grand H, mais je comprends certainement mieux la littérature technique et puis les sources sur lesquelles je travaille, ouais, ça c'est certain. Ce n'est pas une volonté de paraître comme si. Un reconstituteur par exemple va avoir un soin extrêmement particulier aux éléments de détail. À son apparence, par exemple le rivet qu'il y a sur l'armure, le décor du rivet. Pour moi ce n'est pas important, pour moi c'est le comportement de ce rivet. Il était long, peu importe, en tout cas. Je fais partie de nouvelle génération de chercheurs. Et tu peux... En fait, voilà, c'est bon. On essaie d'allier la connaissance à l'expérience. Nicolas Baptiste. À l'expérimentation, même. Mais on n'est pas... En ça, on renouvelle pas le genre. Hein. Déjà, pendant l'entrée de guerre, il y a eu beaucoup de choses au métropolitain de New York, par exemple. Et des productions de films destinées au public où on voyait les conservateurs expliquer comment on mettait l'armure. Alors eux mettaient des vrais, ce qu'on ferait plus de nos jours dans les musées. Mais bon, nous, maintenant, on peut faire des copies. Je me trompe ou il y a un point faible à l'entrecuisse là? Alors il y a plein de points faibles, effectivement. C'est d'ailleurs l'art de se battre en armure, c'est l'art de savoir protéger ses points faibles et puis attaquer ceux de l'autre. Et donc effectivement, à l'aine, il y a des points faibles. D'ailleurs, c'est du reste comme ça que sans doute la braguette apparaît. C'est-à-dire qu'il y a, pour le 15e siècle, il n'y a pas vraiment de braguette en fer, autre que la cotte de maille. Et plus on avance vers la fin du siècle, plus on commence à voir apparaître une espèce de pièce ronde qui se met aux parties sensibles et qui a besoin d'un rembourrage. Vous êtes un peu oppressé pour la respiration là-dedans? Non, pas tant. Ça fonctionne comme un corset. Pas un corset victorien. Mais plutôt comme un corps à baleine 18e où on a quand même encore de l'amplitude de respiration parce que ça contraint pas la cage thoracique, ça contraint la taille, la ceinture abdominale, donc il faut juste apprendre à se bouger. Mais sinon, à partir du moment où on a appris à respirer puis appris à bouger, c'est vraiment pas une gêne en fait. C'est une question d'entraînement, c'est un second corps. Là je suis en costume de campagnarde là pour l'instant. Bon, là je suis... Je pense pas que si j'allais travailler au champ, je serais habillée comme ça. J'ai une chemise en toile de lin qui est assez chaude. Alors comment je l'ai fabriquée? J'ai récupéré des draps anciens, c'est ceux de ma grand-mère. Et j'ai taillé dans la toile, donc c'est de la toile de lin. Donc ça, c'est solide, hein. Ça peut faire plusieurs corps. Ça peut passer de corps à corps. Donc j'ai ma chemise de toile de lin. J'ai une robe, j'ai fait une ouverture à l'avant pour pouvoir m'habiller moi-même. Et cette robe, elle me permet... Bon, elle n'est pas très moulante, hein, vous voyez, c'est assez confortable. Et elle me permet de grossir, si j'ai des grossesses, de maigrir, ou d'être portée par une autre personne ensuite. Elle s'adapte, parce qu'elle est lacée, elle est lacée à l'avant avec un lacet en lin. Elle porte des manches amovibles. Et on le voit ça sur certaines enluminures. De paysans, bon, ce sont des représentations destinées à des élites bien sûr, mais je pense que c'est plausible, hein, quand il suffit. C'est pour ça que l'expérimentation permet aussi de mieux comprendre certaines choses, de faire des hypothèses, si de faire des hypothèses aussi. Et moi, je travaillais... ce qui m'intéressait beaucoup, c'est le rapport du vêtement au corps. Et c'est pourquoi je voulais rentrer dedans. Là, je suis en tenue, c'est paysanne de luxe, hein, parce que je suis en lin, je ne suis pas en chanvre, en laine et tout ça. C'est doublé, bon, ça fait un poids. Je sens, que, sans avoir un corps renforcé, une corps baleinée comme sur la robe de cour, que j'ai le poids du tissu qui marque ma taille. Là. Quand je porte la robe de cour, je pensais que c'était plus au niveau de la poitrine que je souffrirais. La contrainte de la côte qui resserre le buste au niveau de la poitrine. Eh bien non, c'est aussi à la taille, parce qu'il y a une robe, ça fait 10 mètres de tissu, et qu'il y a toute cette masse avec la queue de robe et les gros plis. Ça vous oblige aussi, on a des manches très lourdes et pesantes, à ouvrir les épaules, à ouvrir la poitrine et à se redresser. Pour se distinguer socialement, on se tient droit, on n'est pas voûté, courbé, même si c'est des gens qui avaient une activité très très physique aussi, hein, ces guerriers là. Donc le vêtement leste le corps. La guerre se faisait en musique aussi. C'est-à-dire que les signaux, à distance, doivent se faire... soit de façon sonore, soit de façon visuelle. De façon visuelle, c'est avec les drapeaux, mais de façon sonore, c'est par exemple pour les piquets, fifre et tambour. Pour la cavalerie, nécessairement des trompettes. Et le hautbois, bon, accompagne la cour plutôt. Et crée une sorte d'emphase autour du prince. Dans la dernière blanche pointée de la basse danse. C'est pas la blanche. C'est une blanche pointée, mais vraiment pas plus, quoi. Oui, pas plus. Et pas de ralentissement. Et pas de ralentissement, et on enchaîne direct. Moi, je vais essayer de la faire. Donc là, vous avez joué combien de fois, là? On a fait 4. 4 sur, donc alors oui. Ça, c'est sur 4. Et là, c'est, à partir de là, c'est touti. Donc 5 et 6, c'est touti. C'est 6 fois en tout, et 5 et 6, c'est touti. Qu'est-ce que je fais de ma dernière note, moi? Plop. Eh bien, il faut compter 3 à la fin. Tambanambanambanindirala, 1, 2, 3. Pierre Islin. Dans les instruments qu'on appelle les instruments hauts, c'est-à-dire les instruments puissants, mais bien sûr les hautbois, qui portent bien leur nom. Parce que hautbois, ça veut dire que c'était des instruments de fanfare. Ce n'est pas du tout les instruments champêtres des symphonies du 19e. Hein. Le hautbois, c'était un instrument d'extérieur. Le son porte loin. Dont le son porte, comme vous l'avez observé, et qui se décline par famille. C'est-à-dire un dessus, une taille, un ténor, une basse, etc. Et la basse fait près de 2 mètres de long. Vous avez vu notre petite amie japonaise dont l'instrument pratiquement la toise. Hein. Donc voilà, ça c'est une famille. Et ces instruments, au 16e siècle, se développent par famille. Nous avons également une autre famille... qui est moins brutale peut-être, on l'appellera les bassons pour aller vite, parce que la terminologie fluctue énormément de Doucène, Dulciane, etc. Donc on les appelle les bassons Renaissance, qui sont des hautbois qui sont en fait coudés en deux. C'est-à-dire au lieu d'avoir des instruments de 2 mètres, ils n'en font plus qu'un. Donc nettement plus facile à transporter, peut-être à jouer aussi, compte tenu de l'écartement des doigts. Il y a un autre instrument à hanche assez étrange que joue mon ami Jean Louchet. Et donc, je vais lui laisser le soin de vous présenter l'orgue régal. Oui, la régale, ça peut être un instrument indépendant, comme celui qu'on utilise là. C'est finalement une mécanisation du hautbois, quelque part. C'est-à-dire qu'on a un clavier tout à fait classique, comme à pas mal d'instruments. Comme le clavecin est la mécanisation d'une guitare, par exemple, eh bien ça, c'est la mécanisation du hautbois. La régale toute seule, comme instrument indépendant, ce qui est le cas ici, était utilisée justement dans ce genre d'occasion, parce qu'on a beaucoup de volume sonore, ça porte bien pour un instrument transportable par une seule personne, finalement. On vous a vu accorder cet instrument, c'était oui. Assez étrange. Et alors, pour accorder, on règle la longueur de cette hanche. Donc, il y a un petit dispositif qui s'appelle la rasette. Bon, ça se matérialise sous la forme d'un fil qui sort du tuyau et qui permet, en appuyant sur l'hanche, de lui donner plus ou moins de longueur vibrante. Et voilà, et c'est un petit peu aléatoire, c'est une mécanique, je dirais, un peu agricole. Pierre Islin, comment est-ce qu'on fait pour coller au plus près de la réalité historique en cette matière? On peut essayer de reconstituer au plus près les instruments de l'époque, sachant que ces instruments eux-mêmes ont des appareillages qui ont beaucoup vieilli. Je pense en particulier aux hanches. Pour les embouchures, c'est un peu différent parce que c'est en os, ça dure. Donc là, on sait à peu près comment les embouchures étaient faites et les répliques de Sacbout, par exemple, sont assez fidèles. En revanche, pour les hanches, si la partie en bois de l'instrument est relativement copiable, il n'y a pas d'hanche qui date du XVIe siècle. Parce que ça se détruit. Parce que c'est du roseau, c'est fragile. Et donc, on est obligé de conjecturer la forme, l'épaisseur, la largeur, la dimension générale et la manière d'emboucher l'instrument. Donc ça, c'est un mystère. Et c'est à la suite d'approximations successives qu'on arrive, peut-être, à reconstituer le son de ces instruments. Il faut savoir que parmi les instruments qui ont le moins évolué de tous ceux que j'ai décrits, c'est certainement la sacboute qui emporte la palme, parce que il y a très peu de différence entre un instrument du XVe siècle et un instrument contemporain. Très peu. Enfin, une coulisse, une embouchure. À distance moyenne, on peut prendre ça pour un trombone à coulisse. Oui. Ah, tout à fait. C'est juste la taille du pavillon qui diffère un peu, mais quelqu'un de peu averti peut très bien prendre l'un pour l'autre. Ok, Pierre, c'est bon. On le gardera en 15 secondes sur les enchaînements. Quand on fait de la reconstitution, il y a deux écoles. Il y a les puristes qui font tout à la main. Bon, moi, j'aurais embauché. Personne n'aurait été volontaire pour ça. J'aurais très peu de monde. Donc, tout ce qui ne se voit pas est fait à la machine. Donc, c'est-à-dire les longueurs, parce que c'est la couture kilométrique. Hein. On a énormément de tissu, hein, 10 mètres. Et pour un homme, c'est à peu près 7-8 mètres pour le manteau. Tout ce qui se voit est fait à la main. On n'est pas costumier de métier. Moi, j'aimerais bien faire une formation de costumier. Je travaillerais peut-être plus vite. Mais les objectifs sont différents au spectacle. Moi, j'avais des attentes d'obliger les gens à porter 4 pièces de vêtements l'une sur l'autre en plein été. Un costumier de spectacle n'infligerait pas ça aux acteurs. Ils ne supporteraient pas les acteurs, je pense. Et puis après, il y a les questions de budget aussi. Pour essayer de... Quand on fait de la reconstitution, c'est être dedans, pas seulement pour jouer au prince, à la princesse, à la paysanne, c'est aussi pour comprendre. C'est de l'histoire vivante. C'est le roi qui est là. Oui. Voilà, le noble roué France, oui. Avec un pourpoint qui est vraiment inspiré des premiers portraits de François Ier vers 1518, par là. Donc, alors c'est pas le portrait du Louvre qu'on connaît bien, mais c'est un portrait d'époque. Donc on est dans le campement, à côté des gradins et de la scène. Voilà, on est dans la partie la partie italienne du campement. Les Ferrare vénitiens sont là. Alors là, c'est assez intéressant, on est chez des maîtres d'armes. Ce que ce monsieur est en train de déguiser, cette grosse épée à deux mains de ceux qu'on appelait les doubles soldes, qui étaient payés... double pour aller couper les hampes des pics d'en face, ça s'appelle une flamberge, à cause de l'aspect flamme de la lame. Alors, on va essayer de passer du côté... à passer la frontière, on va aller dans le camp des lansquenets allemands. Je me suis aperçu, Pascal Briouac, que ce mot de lansquenet dérive directement de l'allemand Landsknecht. Landsknecht, mais oui, c'est... ce sont les vallées de la terre. Souvent originaire du sud de l'Allemagne, de Bavière, de Schwab, du Tyrol, mais qui louaient leurs bras, hein, tout bêtement, qui étaient des gens des campagnes, qui étaient très, disons, acculturés à la violence, et qui étaient de redoutables combattants. Qui sont des fantassins. Des fantassins, des piquiers essentiellement. Des piquiers qui savent combattre en groupe, en carré. Alors il y a toute une arithmétique militaire derrière tout ça, parce qu'il faut former les carrés, donc les capitaines et les sergents doivent savoir si on a 2000 soldats, ça fait un carré de combien sur combien, si je veux 2 tirs de piquet, 1 tiers d'arquebusier, comment je fais. Donc il y a toute une arithmétique que les capitaines doivent apprendre. C'est la guerre se mathématise. Il faut calculer des racines carrées, par exemple. Alors certains ont leurs antisèches. On a certaines hallebardes ou certaines haches de combat sur lesquelles il y a des petits aides-mémoire comme ça pour savoir soit comment mesurer la poudre, soit comment mettre à schiera, comme on dit en italien, c'est-à-dire rangé en rang, en carré, en lunule, en losange. Il y a toute une série de formes et chacune est adaptée à un type de combat particulier. Et tout ça est très complexe parce qu'il faut vraiment mesurer les choses et savoir compter. Il faut que tu me craignes. Ah ! Tu me crains ? Ya, je le crains, oui. Dis-toi que si tu obéis au sergent, tu as une chance sur 10 d'être tué par l'ennemi. Mais si tu n'obéis pas, tu es sûr de ton affaire. Le sergent te coupe les jarrets et voilà. Hey, il t'écorche vif, il t'écartèle, 10 fois sur 10. Conclusion. Comment est-ce que vous avez rencontré cet univers un peu particulier des reconstituteurs historiques, Pascal Briouin ? Il se trouve qu'en France, il y a peu de groupes qui sont adaptés. Il y en a, mais ils sont très très peu nombreux. Et j'ai découvert la qualité des reconstituteurs allemands. Et donc je suis allé les voir. Alors j'avais les Florentins que je connaissais bien, qui vont arriver dans pas longtemps. Mais les reconstituteurs allemands ont vraiment une... Vous voyez le détail, c'est-à-dire que les bancs, les chaises, les tentes, les lanternes, tout est vraiment fait pour... On a l'impression de revivre à l'époque de la Renaissance. C'est aussi de l'expérimentation. On est un peu dans l'archéologie expérimentale. Et ils apprennent à manier ensemble la pique de 5 mètres de long, de 5 mètres 50 de long. Et vous avez vu des armures de 25 kilos pendant c'est épuisant. Qui sont très durs à la douleur. Deux secondes. I translate. Je m'appelle Bernd Seiderer, je viens de la Forêt-Noire. On est à peu près 100 ou 120 lansquenets, tous du sud de l'Allemagne. On est plein de petites associations fédérées entre elles qui se rassemblent deux fois par an pour s'exercer à la tactique de la guerre et des armes. Jeder hat seine eigene Waffe dabei. Chacun sa propre arme. Et le lansquenet a son épée typique du lansquenet, qu'on appelle la bagarre, qui est courte, très lourde. On a nos longues piques, qui font à peu près 4 mètres de long. C'est lourd. 3-4 kilos maximum. Au début, c'est pas lourd, mais quand vous la portez pendant une heure, c'est de plus en plus lourd. C'est l'armement classique. Parfois, on a un plastron d'armure comme protection, mais pas toujours. Les lansquenets sont très dépareillés. Il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas d'équipement déterminé. Chacun a ce qu'il peut acheter ou ce qu'il trouve. Et un casque. Depuis combien de temps vous faites ça ? Moi, personnellement, je fais ça depuis 5 ans. Moi, ça fait 5 ans, mais il y en a qui font ça depuis 10 ou 20 ans. Ça nécessite beaucoup de matériel. Bien sûr, une tente, de quoi s'asseoir, manger, des tables, des bancs, du feu pour cuisiner, mais ici c'est interdit à cause du risque d'incendie. Les armes, bien sûr, le fourniment, les costumes, ça vient d'un peu partout. On les fait beaucoup nous-mêmes, mais on en achète aussi. Ça coûte cher à force, mais n'importe quelle passion coûte cher. Tous les détails historiques y sont. Oui, c'est important. On épluche beaucoup de sources, on lit beaucoup de livres, on visite beaucoup de musées pour voir comment c'était vraiment, pour le refaire parfaitement. Et vous êtes venu seul ici ? Non, ma femme est avec moi et quelques connaissances. On a 5 tentes, 9 personnes. Les femmes participent aussi, comme combattantes ou comme cantinières. Elles s'occupent du ravitaillement des troupes en eau, en vivres ou pour les secours. C'est très important aussi. Il ne s'agit pas que de se battre. Boire et être ravitaillé, c'est très important aussi. Il y a une pâtisserie là sur un chariot. Oui. Ce sont les premières tartes à la confiture qui viennent juste de sortir du four avec une petite décoration en forme de fleur de lys. La confiture de quoi ? C'est de la confiture de framboise. On va servir des terrines dont les recettes sont dans le viandier de Taïwan, par exemple. On va essayer d'être assez rigoureux sur les légumes existants et les fruits existants à l'époque. Le détail va jusque dans la cuisine. Voilà, donc les recettes, elles sont tirées de traités de la Renaissance, qu'ils soient manuscrits ou imprimés. Comme je suis historienne et que je travaille essentiellement aux archives, j'en ai recueilli une bonne quantité, et donc on les a testées. Et après quelques tests, on a pensé qu'elles étaient bonnes à faire découvrir aux gens. Fanny Kiefer. En plus, on n'a pas forcément choisi les recettes les plus terribles, les plus immangeables. Par exemple, des recettes de poissons sucrés. Ça, pour nous, ce serait quand même assez difficile. Alors, on a fait des tests, hein, on les a essayés. Bon, moi, j'ai pu les manger parce que je suis très ouverte. Mais disons que mes collaborateurs de l'époque, quand on a fait les tests, avaient beaucoup de mal à manger ça, par exemple. Des poissons de rivière, des truites, du saumon qui étaient caramélisés, qui baignaient dans du miel avec des raisins secs et évidemment le petit goût acide qui ne manque jamais avec un petit peu de vinaigre de vin rouge. C'était, j'avoue que là, le goût était trop loin de ce qu'on a l'habitude de manger. Et donc en entrée, le premier jour, nous allons présenter deux sortes de terrines, un pâté aux pistaches et un pâté au foie et au fenouil. Nous allons continuer avec un choix de deux plats, un plat sans viande et un plat avec viande. Donc une galantine de volaille farcie au vert, comme on l'appelle à cette époque-là, farcie donc aux légumes verts. Une soupe en moutarde, comme le nomme Taïwan. Il s'agit de tartines aux œufs durs gratinées avec une sauce à la moutarde et à l'estragon. Nous allons également faire une soupe avec des quenelles de volaille au lard, un sauté de porc au verjus. Hein, les plats étaient préparés essentiellement avec des sauces à base de verjus, donc qui est assez acide, mais aussi de vinaigre. Et là, par contre, pour les besoins d'adaptation au goût actuel, nous avons très largement diminué la quantité d'acidité pour que finalement les plats soient mangeables. Il faudrait du fond de teint. C'est charmant, Pascal Briouat. N'est-ce pas ? Voilà, donc une magnifique jambe en silicone que tranchera le barbier chirurgien à la scie dans la tente du barbier chirurgien quand il arrivera demain. Elle est coupée donc, en dessous du genou. Coupée, oui, en dessous du genou. C'est probablement une plaie d'épée puisqu'il y avait une tradition d'aller couper les jarrets des lansquenets en passant sous, alors c'était notamment la tâche des gens qui avaient bouclier et épée, ils se glissaient sous les pics. Et voilà. Et donc, dans l'attente du barbier chirurgien, on était obligé de réparer les plaies. Et comme on se trouve avant Ambroise Paré, eh bien, avant Ambroise Paré, on ne ligature pas pour les amputations, on passe la plaie au fer rouge, ce qui fait qu'il y a des décès assez considérables. Les chances de survie sont faibles. Voilà. C'est vrai qu'ils sont beaux, les costumes. Des beaux costumes. Mais pas forcément adapté à notre époque. Ah bah non. Mais d'ailleurs, même, ça se demandait comment ils pouvaient être à l'aise c'était avec... C'était 1515. Quand on prend Léonard de Vinci, c'était qui ? On se demande comment les gens... les architectes, avec quoi travaillaient-ils ? Un crayon, mais des règles... Ils n'avaient pas de laser, ils n'avaient rien... Eh bien, gentille Madeleine, que dites-vous de la fête que le roi François, mon fils, a ordonnée pour célébrer vos noces ? Vous fait-elle bien plaisir ? Sans doute, madame. C'est assurément une belle fête. Très belle. La musique est belle. Très belle. Les chansons ? Très belles. Et le jour, décidément ? Fort beau. Mais les scènes de combat sont ici un peu longues. Comment va le sénéchal de Normandie, dont la blessure était si vilaine ? Mieux. À la bonne heure. Et à quelques heures de la générale, ça va marcher. À quelques heures de la générale, évidemment, on tremble parce qu'il y a encore beaucoup de choses à organiser, notamment la scénographie des combats, parce qu'il faut s'entendre entre Italiens, Allemands, Suisses, et il faut que tout le monde soit arrivé, ce qui n'est pas encore le cas. Mais on sent bien que tout le monde, et vous aussi, vous amusez follement. Ah, complètement. Complètement, c'est la motivation. De toute façon, c'est un tel travail depuis 2 ans, si on ne s'amuse pas, ça, on ne le fait pas, quoi. Mais c'est un travail collectif colossal. C'est la première fois que vous faites un... C'est la première fois que je fais ça. Moi, je ne suis pas du tout un reenacteur de vocation. Je travaillais avec des gens qui se sont donnés sans compter. Je veux dire, les couturières de Romorantin ont travaillé des heures et des nuits à fabriquer les costumes des comédiens. Les cuisiniers travaillent dans une chaleur insupportable pendant des heures. Enfin bon, c'est... Mais je crois que tout le monde tire de cette expérience collective un bonheur qui, je crois, n'est pas fin. Y avait-il un château à Marignan, au milieu du champ de bataille, comme ici, comme ce château, fait de toiles peintes ? Marignan, 1515-2015, célébration de la reconstitution. Ma chute, tout est en place. Avec les historiens Nicolas Baptiste, Pascal Briouat, Fanny Kiefer, Daniel Jacquet, Isabelle Parezis, Pierre Iselin et Jean Louchet du groupe de musique de la Renaissance Les Sorbonne Scholars, François Saint-Brice, président du Clos Lucé à Amboise, Bernd Zeiderer du collectif des Lansquenets de Haute-Souabe, Patrice Zonta, comédien dans le rôle de Léonard de Vinci et la voix de Thierry Beauchamp. La reine Claude, Louise, Madeleine, toutes ces belles dames. Top pour l'avancée des soldats. Merci à la nombreuse équipe de Marignan 1515-2015 et tout particulièrement au metteur en scène Jean-Louis Dumont, à son assistant Sandro Pascaletto, à Antonin Béranger, directeur technique, à Robin Joly, chef de la compagnie Outre Mesure, et à Denise et Alain de la Buvette. Ça avance. Prise de son Yann Frécy et Julien Calvas. Mixage Jean-Louis Deloncle. Anne Fleury, Olivier Chaumel. Top, on s'arrête, s'il vous plaît. Top, on fait une pause. Demain, nous poursuivons notre semaine titrée « Quand le public s'empare de l'histoire » en nous intéressant à une autre bataille, autre reconstitution de bataille, celle de Waterloo. Ça sera un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Séverine Cassard. Si vous voulez écouter ou réécouter ces émissions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter pendant 1000 jours, les télécharger pendant 1 an après leur diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.